travers un quart de vitre brisée. Ta brume a parcouru les pièces, ton armoire moisie, tes tissus tissés et secoués sans pitié, ma frère. M'a capturé sur la plage. Combien j'ai espéré l'impitoyable tes phalanges. Mais toi, recluse dans le Péloponnèse, tu fêtais mes égarements dans une orgie. Esclave de maître plus serein, j'ai fui vers les dunes brûlantes du Sahara pour enlacer tes formes dans le sable. Ni l'union ni la mort n'ont prolongé ta beauté. Tes souvenirs me rongeront lentement, indésirable, et cet espace sans abîme. Je serai une bête qui, sans se reproduire, s'est